Podcast des loulous, épisode 5. Salut les loulous. Bonjour. Salut. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Bah bien. C'est quoi aujourd'hui? Le week-end. C'est le week-end. Donc le week-end, est-ce qu'il y a de l'école? Non. Donc vous n'étiez pas à l'école aujourd'hui? Non. Parce que la... La quoi? Le virus. C'est ça? Le virus. Non, alors. Il nous embête. Il y avait deux raisons aujourd'hui. Ok, il y a le virus qui nous embête, mais d'habitude, le week-end, on va pas à l'école non plus. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de travail. Le maître, il n'a pas envoyé de travail. Oui. Donc vous n'avez rien fait de la journée? Non. Avec maman, on a rempli plein de yaourts. Après, on a mis ça dans la yaourtière. Et après, on l'a mis à tourner 9 heures. Alors, vous avez mis des yaourts dans les pots de yaourt, dans la yaourtière? Oui. C'est des yaourts que t'as mis dans la yaourtière? Non, des pots en verre. Vous voulez que je vous dise la recette? Ah bah écoute, vas-y. Il faut un yaourt nature. Ouais. Si vous voulez faire du nature. Après, vous versez 1 litre de lait. D'accord. Et après, vous prenez les pots en verre. Et avec la louche... Vous versez dans le pot. Mais t'as mis quelque chose dans le lait? Non? T'as pas mis un yaourt dans le lait? T'as mélangé le lait avec du yaourt. Il y avait déjà un petit peu de yaourt. Il faut déjà un petit peu de yaourt pour faire des yaourts. Ouais? D'accord, très bien. Bah écoute, ça peut rendre service à tes copains. S'ils veulent faire des yaourts chez eux. Parce que apparemment, ton maître, il va envoyer le podcast à tes copains. T'as quelque chose à leur dire à tes copains, Lou? Ouais, s'ils écoutent aussi? Et tes copines aussi? Bonjour mes copines! Et toi tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait rien. T'as rien fait? Et donc t'as fait quoi? Je me suis occupée toute seule. T'as dessiné un petit peu? Avec les tampons? Non? Ellie, t'as dit bonjour à tes copains toi? Bonjour mes copains! Et mon amoureuse et mes copines? Ah parce que t'es une amoureuse en plus. Bon ben maintenant comme ça tu lui as dit bonjour. Vous avez autre chose à dire pour aujourd'hui les loulous? Qu'est-ce que tu as à dire Lou? J'ai travaillé sur un jouet qui casse très fort, mais je l'ai cassé dans un endroit où personne ne peut le voir, c'est dans quelque chose. Donc papa et maman, ils ne le savent pas en fait. Ah, puis c'est bien là, c'est pour vous. Du coup, en plus, ils vont pas le savoir, ils n'écoutent pas le podcast, papa et maman. Hein? Bon, on arrête pour aujourd'hui, c'est bon? Vous avez oui. Tout dit? Et on va faire un meilleur au revoir que ça, Edith. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À demain. À demain. À demain.